Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Le Stone Rock Show. Émission Olive. Et salut à toi, ami du rock. Bienvenue dans le Stone Rock Show, ton rendez-vous du mercredi soir 22h sur Stone Rock Radio. Moi, c'est Olive et je vais t'accompagner pendant une bonne heure avec du bon son rock. J'espère que tu passes un bon moment sur Stone Rock Radio. Merci à Tom pour son émission The Dirty Rock Party Show, que vous retrouverez mercredi prochain vers 21h sur Stone Rock. Avant de commencer cette émission, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à mon ami Philippe, célèbre animateur de British Connection, diffusé sur Stone Rock Radio tous les mardis soirs vers 21h et qui a fêté ses 40 ans de radio l'année dernière. Philippe, c'est un modèle pour moi, c'est la grande époque des radios libres qu'il a toujours gardé depuis toutes ces années. C'est un peu le John Peel de Stone Rock. Joyeux anniversaire mon filou, et je te dédie cette émission. Alors je te rappelle le concept du Stone Rock Show de cette saison, on va remonter le temps jusqu'en 1978 et s'intéresser à ce que passaient nos voisins britanniques dans leurs émissions rock, à cette époque où le disco dominait les charts et envahissait les ondes, mais tout en gardant l'esprit Stone Rock Show des saisons précédentes avec les petits jingles et les interventions humoristiques. Je te passerai donc du classic rock, des extraits d'albums sortis entre janvier et juillet 1978, des titres rock complètement oubliés, une session John Peel enregistrée en live dans les studios de la BBC entre 1977 et 1978, des curiosités électro et crowd rock. Je vais également te faire découvrir les grands débuts de la vague New Wave qui a pris de l'ampleur au début des années 80, mais également de beaux morceaux soul et reggae. Alors au programme de ce Stone Rock Show épisode 27, des épingles à nourrice, du calme et de l'énervé, de la ganja, du collector, du vinyle qui craque, du rock fort, du classic rock et de la pill session. Let's go, on commence tout de suite avec la première série Destroy et King of the Bop, chanson punk rock du groupe britannique The Nipple Erectors, qui était également connu sous le nom de The Nips. La chanson a été écrite par Sean McGowan, qui est également membre fondateur du groupe The Pogues. King of the Bop a été enregistré en 1977 et publié comme single en 1978. La chanson était bien accueillie par la scène punk rock et est devenue une chanson culte. Elle a également été reprise par d'autres groupes tels que The Meteors et Sea Milkshakes. La chanson parle d'un personnage nommé Danny, qui est considéré comme le roi du bop, un style de danse des années 50. Les paroles de la chanson décrivent Danny comme un personnage excentrique et charismatique qui attire l'attention de tout le monde sur la piste de danse. Je te passerai ensuite I Believe, titre sorti en 1978 et interprété par le groupe punk rock britannique The VIPs. La chanson est un morceau de punk rock énergique avec des guitares électriques agressives, une batterie rapide et un chant criard. Les paroles de la chanson évoquent le sentiment de frustration et de désespoir que l'on peut éprouver face à une situation difficile avec les paroles « Je crois que tout va mal, que tout est foutu et que je ne peux rien y faire ». On enchaînera avec Industrial Estate, chanson punk du groupe britannique The Fall, sorti en 1978 sur leur premier album studio Live at the Witch Trials. La chanson est construite autour d'un rythme de batterie puissant et d'une ligne de basse accrocheuse. Le chant de Mark E. Smith est cynique et ironique avec des paroles qui évoquent la vie monotone et aliénante dans les banlieues industrielles de Manchester, au nord de l'Angleterre où le groupe est originaire. Le titre Industrial Estate fait référence aux vastes zones industrielles qui ont été construites dans les années 60 et 70 pour accueillir de grandes entreprises manufacturières. La chanson critique la culture du travail dans ces zones, en particulier l'exploitation des travailleurs, la pollution et la déshumanisation. Et on terminera cette série avec Brickfield Nights, chanson punk rock du groupe britannique The Boys, sorti en 1978 sur leur premier album studio intitulé The Boys. La chanson raconte l'histoire d'une nuit dans les faubourgs de Londres où les protagonistes participent à des combats de rue et à d'autres formes de violence urbaine. Le refrain de la chanson « Brinfield Night and Neon Lights » évoque l'ambiance nocturne des quartiers populaires de Londres. La chanson est caractérisée par un rythme rapide, des guitares électriques puissantes et un chant criard. Les paroles sont à la fois sombres et poétiques, décrivant les aspects les plus brutaux et les plus émouvants de la vie dans les quartiers populaires de Londres. Mets le volume à fond et fuck les voisins, c'est le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Punk's not dead! C'est un bordel. Tiens, prends ça dans ta gueule. C'est un venin intersidéral qui te transformera en poudre thermospasmique et qui te fera des taches sur les habits que même Skip Machine ne pourra pas les enlever. Deuxième partie du Stone Rock Show avec The Only Ones, groupe de rock britannique formé à Londres en 1976. Le groupe est composé de Peter Barrett au chant et à la guitare, John Perry à la guitare, Alan Mair à la basse et Mike Kelly à la batterie. Leur style musical est souvent décrit comme une combinaison de punk rock, de new wave et de power pop. Le groupe est connu pour leurs textes poétiques et leur approche mélodique du punk rock, qui les a distingués de leur père dans le mouvement punk. Leur premier single, Lovers of Today, est sorti en 1977, suivi de leur premier album éponyme en 1978. L'album a reçu des critiques élogieuses de la presse musicale et a établi le groupe comme l'un des plus prometteurs de la scène punk rock britannique. The Only Ones a été réévalué dans les années 2000 et sont devenus des influences importantes pour des groupes tels que The Libertines, The Strokes et Interpol. Ils sont souvent considérés comme l'un des groupes les plus sous-estimés de la scène punk rock britannique. Je vais te passer deux titres extraits de leur premier album, No Peace for the Wicked et The Beast. On enchaînera avec Hong Kong Garden, chanson new wave post-punk du groupe britannique Siouxsie and the Banshees, sortie en 1978 en tant que premier single. La chanson a été écrite par Siouxsie Sioux et le guitariste Steven Severin. La chanson est caractérisée par une mélodie de guitare entraînante et un rythme de batterie énergique, ainsi que par le chant distinctif de Sioux Issue, qui utilise des mélismes et des techniques de respiration pour créer une ambiance mystérieuse et exotique. Les paroles de la chanson évoquent une vision fantasmée de la culture chinoise, avec des références à la nourriture, aux vêtements et aux pratiques traditionnelles. Le titre Hong Kong Garden fait référence à un restaurant chinois situé à Chislehurst, dans la banlieue de Londres, que Sioux Issue avait l'habitude de fréquenter dans sa jeunesse. La chanson a été un succès commercial, atteignant la 7ème place des charts britanniques. Et on terminera cette série avec le Wire de la semaine, I Feel Mysterious Today, toujours extrait de l'album Charm Missing, sorti en 1978. Rock and roll, baby! Why do I go through these deep emotional traumas? Why can't I be like I always wanted to be carefree? Why can't I be happy like everybody else? There's no peace for the wicked, they say no peace for the wicked, loud and clear, no peace for the wicked, the angels tell me, no peace for the wicked. Sitting at home, trying to forget the world outside, you're on the phone, telling me there's no love inside me. What have I done to deserve this hostility? There's no peace for the wicked, they say no peace for the wicked, loud and clear, no peace for the wicked, the angels tell me, no peace for the wicked. Oh my gosh! What do I do? Street, if you don't believe me. You ought to take a look at the eyes of your friends. When someone tempts you, you can't refuse. It's getting colder and you know you got nothing to lose. You need it, no, you got nothing to lose. You need it. This is funny, but I'm not laughing. I know that it could happen to me. I don't care about it happening to me. I've tried to show you your whole life in print. You can lead a horse to water, but you can't. Give drink, think about it. All you gotta do is think about it. There's no cure. Symbols crashing everywhere, wreaths of pain. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Always cause for concern, always, when you're feeling quite bright, quite, and your filament burns. Appealing to stand on the ceiling. Watch out. Observe the tension grow. I feel mysterious today. Everything is humming loudly. I feel mysterious today. Everyone is coming this way. Going walking abroad. Minus happy for dog. Bats in profusion there. I feel mysterious today. Everything is humming loudly. I feel mysterious today. Everyone is coming my way. Si tu viens de nous rejoindre, tu es bien sur Stone Rock Radio avec le Stone Rock Show et c'est Olive à l'antenne pour t'accompagner une petite partie de ton mercredi soir. J'espère que tu passes un bon moment avec du bon son rock passé sur les radios British en 1978 et que tu découvres ou redécouvres les titres ou les groupes de cette belle époque musicale. Troisième partie du Stone Rock Show avec double ration de Thin Lizzy. Dancing in the Moonlight est sorti en 1977 en tant que single et incluse dans leur album Bad Reputation. La chanson a été écrite par le claviériste du groupe Phil Lynott, qui en est également le chanteur et le bassiste. Dancing in the Moonlight est une chanson entraînante et optimiste, caractérisée par des guitares et des harmonies vocales accrocheuses. Les paroles de la chanson évoquent une nuit de fête et de danse sous la lueur de la lune et sont un hymne à la joie de vivre et à la liberté. La chanson a été un succès commercial pour Thin Lizzy, atteignant le top 20 des charts britanniques et le top 40 des États-Unis. Elle est devenue l'une des chansons les plus populaires du groupe et est régulièrement incluse dans leurs concerts et compilations. Massacre, elle, est sortie en 1975 sur leur album Fighting. La chanson a été écrite par le leader et chanteur du groupe, Phil Lynott. Massacre est une chanson puissante et agressive, caractérisée par des riffs de guitare lourds et une rythmique énergique. Les paroles de la chanson évoquent un affrontement violent, dans lequel les protagonistes sont confrontés à une mort certaine et sont un commentaire sur la nature brutale de la guerre et de la violence. On enchaînera avec Splitting in Two, chanson du groupe britannique Alternative TV sortie en 1978 sur leur album Vibing Up The Senile Man Part 1. Alternative TV était un groupe de punk rock et de post-punk formé en 1977 par le chanteur et guitariste Mark Perry. Splitting in Two est une chanson énergique et abrasive, caractérisée par des riffs de guitare agressifs et une rythmique rapide. Les paroles de la chanson abordent des thèmes existentiels et psychologiques, évoquant une fragmentation interne de l'individu et la recherche d'une identité personnelle. Et on terminera cette série avec le reggae de la semaine, Primo Ballerina, chanson de reggae dancehall de Clint Eastwood et General Saint, sortie en 1979. Le duo jamaïcain a été salué pour leur approche novatrice de la musique, en combinant des éléments traditionnels de reggae avec des influences plus modernes. La chanson Primo Ballerina est un exemple de cette fusion de styles musicaux. La chanson est centrée sur une femme comparée à une Primo Ballerina pour sa grâce et son charme et utilise des métaphores courantes de la musique jamaïcaine pour décrire ses sentiments amoureux. When I passed you in the doorway, well, you took me with a glance. I should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight, it's got me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long, hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone. But I'm dancing in the moonlight. Et le hard rock, vous aimez ça? La drogue. Le hard rock, le hard rock. La drogue. La drogue. Oui. Vous aimez ça? Bah, je sais pas, j'en ai jamais goûté. Ouais. Si, ça, si ça avait le coup de sucré, peut-être que j'en goûterais, mais... Parce que j'aime bien les bonbons, alors. du glucose. It's a question of Arrête la drogue. Would I live ya? Are ya pass ya? Are ya step on the scene ya? This one called death in the arena, yeah. It's true, yeah. Me say that death in the arena. God, me show you that a death in the arena. Come on, me say death in the arena. Me say that primo ballerina, girl. You think I choke me, I make her afraid, me afraid. Me say that death in the arena. Girl, me say you must have believe ya. Lord, me say that primo ballerina. What eyes don't see, I me heart don't leap. Silent river run deep. Girl, silent river run deep. Me show them this a primo ballerina. Girl, you a believe this a scene. Me say no rain a fall and a breeze na blow. Girl, I owe you come in ya. Girl, me say go check Antilina. Say this a primo ballerina. Say that a date in a arena. Even when you try to reach the top, them even use a stick to hit you in your back. Yeah. Say that a date in a arena. And let me tell you that a primo ballerina. Yeah. Say that a date in a arena. Say what? You think I joke me, I make her afraid, me afraid. Me say the most I believe ya. And let me tell you that a primo ballerina. Girl, me say that date in a arena. You think I joke me, I make her afraid, me afraid. Say that you most I believe ya. Let me say that date in a arena. Girl, say date in a arena. Ah, whoa. Say date in a arena. And let me show you that a primo ballerina. Even when they work hard and try to reach the top, them want to see a job. Them even use a stick to hit you in your back. Say that a date in a arena. Say that you must have believed ya. Let me say that primo ballerina. What the eyes don't see and me heart don't leap. Silent river run deep. Girl, say that in a arena. Say what? Me say that primo ballerina. Oh, me say the most I believe ya. Say that a primo ballerina. Say that no rain na fall and no breeze na blow. Girl, I owe you come in ya. Lord, me say that date in a arena. You must have lived this a scene, yeah. Yeah. Say that a date in a arena. Come on down and then you leave this a scene. Yeah. Say that a date in a arena. The Stone Rock Show. L'émission d'Olive. Quatrième et dernière partie du Stone Rock Show, Darkness on the Edge of Town est le quatrième album studio de Bruce Springsteen, sorti en 1978. Cet album marque un tournant dans la carrière du boss, car il explore des thèmes plus sombres et introspectifs que ses précédents albums. Les chansons de l'album sont souvent axées sur les luttes et les difficultés de la classe ouvrière américaine, reflétant les propres expériences de Springsteen dans sa jeunesse. Les thèmes abordés dans l'album comprennent la difficulté de trouver un travail stable, l'aliénation sociale et la recherche de liberté personnelle. Musicalement, l'album est plus épuré et moins luxuriant que ses albums précédents, mettant en avant les textes et la voix de Springsteen. Les chansons sont souvent construites autour d'une guitare acoustique ou électrique, avec des arrangements simples et efficaces. Darkness on the Edge of Town a été un succès commercial et critique, atteignant la 5e place de Billboard 2000 et étant classé parmi les meilleurs albums de l'année par de nombreux critiques. L'album a également influencé de nombreux artistes, établissant Bruce Springsteen comme un des plus grands chanteurs et auteurs-compositeurs de rock américain. Je vais te passer deux titres extraits de cet album, Badlands et Prove It All The Night. On enchaînera avec New Pony, chanson de Bob Dylan qui est apparue sur son album en 1978, Street Legal. La chanson est construite autour d'un riff de guitare puissant et une rythmique entraînante, rappelant le son du blues rock des années 60. Les paroles de la chanson sont un mélange de métaphores et d'imagerie évocatrice, explorant les thèmes de désir et de séduction. Les paroles représentent également une figure féminine mystérieuse et séduisante, évoquant un désir pour une nouvelle expérience. New Pony était bien accueilli par les critiques et est devenue une chanson populaire auprès des fans de Dylan. La chanson est également reprise par de nombreux artistes au fil des ans, tels que The Dead Weather, The Black Keys et Gary Clark Jr. On terminera cette série avec Burlesque, chanson du groupe de rock britannique Family, sortie en 1970 sur leur album Anyway. La chanson est écrite par le chanteur du groupe Roger Chapman et le guitariste John Charlie Whitney. Burlesque est un morceau de rock progressif avec des arrangements sophistiqués et une instrumentation variée comprenant des cuivres et des cordes. La chanson présente des paroles introspectives et sombres, explorant des thèmes tels que la solitude, la dépression et l'isolement. La chanson a été un succès pour Family, atteignant la 13e place du classement des singles britanniques. Elle est également bien accueillie par les critiques et est considérée comme l'une des meilleures chansons du groupe. Burlesque a influencé de nombreux artistes et a été repris par des groupes tels que Rush et Marillion. Pressure. Le rock, c'est un monde à part. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. T'as pas de famille, t'as même pas de père. Ça se trouve, t'en as jamais eu. Drive that dusty road from Mondo to Angeline. To buy you a glory on a hurry dress of blue. Baby, just one kiss, we'll get this thing for you. I kiss the seal of faith tonight. I kiss the prove it all night. Prove it all night. Girl, there's nothing else that we can do. For you, everybody's got a hunger, a hunger that can't resist. There's so much that you want, you deserve much more than this. But if dreams came true, how wouldn't that be nice? But this ain't no dream, we're living off you tonight. That girl, you want it, you take it, you pay the price to prove it all night. For your love. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. I had a pony. Her name was Lucifer. Thank you. pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Voilà, le Stone Rock Show c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. J'espère que tu t'es régalé en ma compagnie, que tu as apprécié ces morceaux diffusés sur les ondes anglaises en 1978. On va se quitter avec la Peel Session de la semaine. Le groupe King, enregistré le 11 juillet 1978 dans les studios de la BBC et diffusé pour la première fois dans le John Peel Show le 20 juillet 1978. Le groupe y interprète 4 titres, Anti-Pop, Jet Boy, Jet Girl, My Baby Don't Care et Baby Sign Here With Me. Le jeudi, c'est Manu et son Rock Alternative Show vers 20h.

make you mine if you will sign above this little dotted line. Will be sublime if you will sign this document that is in front of you and me. Oh baby, give me one more loving kiss and promise me you'll be forever mine. Set you free. Why don't you tell Mama and make sure that Papa approves of me? Then I will sign myself to you and you can sign yourself to me. Oh baby, throw your loving arms around me. Promise me you'll be forever mine. Si je dois vous appeler ami de la musique ou plus simplement ami du rock, en tout cas, mesdames et messieurs, bonsoir.